Alors, s'il est drôle avec nous, on est. Salé dans la tête. The sound machine. It's a what to speak to you. Do you speak English? C'est réciproque, croyez-le bien. Do you speak English? Il est con ce mec. Do you speak English? C'est réciproque, croyez-le bien. Do you speak English? Do you want to understand to me? To speak to you. Do you want to understand to me? Ok, merci d'être avec nous. On y est. Do you want to understand to me? Do you want to understand to me? Est-ce que vous aimez le sexe? Pourquoi t'aimes la pétanque, toi? J'aime les boules. Pourquoi t'aimes la pétanque, toi? J'aime les boules. Taré dans la tête. Hyper intéressant. Je vais prendre une douche. Hyper intéressant. Arrêtez vos conneries. Ah, il est chaud! Il est con, ce mec. Vous riez, la piste dégouline sur vous. Il est Ok. Je suis surpris d'avoir un coup de fil de toi. Est-ce que vous aimez le sexe? Do you speak English? C'est réciproque, croyez-le bien. Do you speak English? Il est con ce mec. Do you speak English? C'est réciproque, croyez-le bien. Do you speak English? Allô Koé? Oui. Allô Koé? Oui. Allô Koé? Oui. Ah! Ok! It's a what? On entend ça, on est de bonne humeur. C'est parti! Tu avais déjà vu un cockpit? Oui. It's a what? Il est cassé. Do you want to understand to me? Do you speak English? C'est réciproque, croyez-le bien. Do you speak English? Il est con ce mec. Do you speak English? C'est réciproque, croyez-le bien. Do you speak English? Do you want to understand to me? To speak to you. Do you want to understand to me? Ok, merci d'être avec nous, on est. Do you want to understand to me? To speak to you. Do you want to understand to me? Merci, Catherine. Thank you very much for coming. It was a pleasure for us. À bientôt. Salut.